Miret, Boukéened. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout de suite, le sommaire. Les responsables du parti SNL en province Kirundo demandent à l'administration de ne pas s'immiscer dans l'organisation de ce parti. C'est après l'interdiction par la décision du gouverneur des activités de réunion qui étaient prévues ce week-end. Certains rapatriés de Lumonge se lamentent que le gouverneur de cette province veut s'ingérer dans les décisions de la Cour spéciale des terres et autres biens. Léonard Ndayisaba le nie, évoquant une correspondance qu'il a adressée au ministre de l'Intérieur en vue de solliciter un appui technique sur un cas de Karunda. Et puis, baisse des prix des denrées alimentaires de première nécessité en province Gitega. Entre-temps, les administratifs sont appelés par le ministre de l'Intérieur à suivre que les produits alimentaires ne soient pas déplacés d'une province à une autre, sauf en cas d'autorisation. Alphonse Kougimana assure la mise en onde. Commençons par la politique. Les responsables du parti SNL en province Kirundo demandent à l'administration de ne pas s'immiscer dans l'organisation de ce parti dans l'objectif de perturber leurs activités. Ils disent cela au moment où les activités de réunion qui étaient prévues ce week-end ont été suspendues par la décision du gouverneur Albert Hatungimana de Kirundo. L'objectif de cette suspension, comme l'indique la décision, est d'éviter des troubles qui peuvent naître parmi les militants de ce parti, Abraham Safari. Dans la lettre signée par le gouverneur de Kirundo, Albert Hatungimana, du 1er juin 2023, suspendant les réunions du parti CNL dans les communes de Busoni ce samedi et en commune de Kirundo ce dimanche, la raison est d'éviter des troubles qui peuvent naître entre les militants de ce parti suite aux conflits qui existent déjà au sein de ce parti et qui ont divisé en deux ses militants. Pour l'honorable Anatole Karorero, président de ce parti au niveau de la province, il ne comprend pas pourquoi cette décision de stopper les activités du parti CNL alors qu'il n'y a aucun problème à Kirundo. Il demande plutôt à l'administration d'éviter à s'immiscer dans l'organisation de leur parti. Il demande également les mêmes chances sur le terrain pour rencontrer leurs militants, ce qui démontrerait l'assise de la démocratie. Signalons que l'objectif de ces réunions, comme le précise Anatole Karorero, était d'expliquer aux militants du CNL la réorganisation du parti selon les nouvelles délimitations des provinces et communes. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. La démocratie n'est pas encore vécue dans toutes ses composantes au Burundi. C'est le point de vue de Kefa Nibizi, président du parti Kodebo, jadis appelé Frodebo Nyakuri Iragiyandadaye. 30 ans après l'avènement du multipartisme et de la démocratie dans le pays, le parti Frodebo a dédié les mois de juin et juillet à la démocratie. Kefa Nibizi estime que la culture démocratique n'est pas encore bien ancrée dans les esprits des Burundais. Suivez. On évolue beaucoup plus vers la démocratie procédurale et non pas vers la qualité démocratique. Et si le pays a évolué vers le multipartisme, est-ce que vous considérez que les partis se sont comportés comme étant dans un pays démocratique? Il y a plusieurs piliers de la démocratie, certes qui sont là, y compris effectivement le multipartisme. Mais il faut noter que d'abord les partis politiques n'ont pas les mêmes chances, les mêmes droits d'exercer des activités sur terrain. On observe maintenant une tendance, voire même une volonté, vers un multipartisme de fait, ce qui montre que finalement on est dans une démocratie qui semble ratée. Pourquoi les scissions au sein des partis politiques? Le parti Kodebo qui était Frodebo Nyakuri était dans Sawanya Frodebo. Pourquoi? En tout cas, toutes les décisions qu'on observe dans les partis politiques ne se font pas sur une base idéologique souvent, mais sur une base des intérêts des gens. Quoique des fois, il peut y avoir des désaccords sur le fond idéologique. Ce n'est pas aussi contraire à la démocratie, mais c'est une démocratie lacunaire. On n'a pas encore atteint la maturité politique ou démocratique voulue pour pouvoir avancer. Mais il faudra noter que dans pas mal de pays, même qui sont plus démocratiques que le Burundi, ce genre de situation existe souvent sur des dissensions basées sur les divergences idéologiques, ça c'est normal. Quel défi en cette matière de démocratie? Le défi majeur, c'est qu'il y a une carence d'une culture de démocratie. Nous avons des piliers de démocratie qui s'observent dans un processus de procédure démocratique, mais où la substance même, comment ces piliers fonctionnent, ne fonctionne pas bien. À Rumonge, certains parmi les rapatriés se lamentent que le gouverneur de la province veut s'ingérer dans les décisions rendues par la Cour spéciale des terres et autres biens afin d'une éventuelle révision. Ceux qui se lamentent se base sur une correspondance récemment adressée au ministre de l'Intérieur pour demander un appui technique sur le dossier du village Gachacha en commune et province Rumonge. Une appui technique que ces rapatriés considèrent comme une façon de saboter la justice. Leonard Ndaïsaba, gouverneur de Rumonge, dit avoir seulement informé son supérieur, Jean-Pierre Misago. Une correspondance du 26 mai 2023 adressée au ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Une correspondance dans laquelle le gouverneur de Rumonge demande un appui technique sur le dossier du village Gachacha Karonda et dont une copie a été réservée à un rapatrié récemment obtenu gain de cause au niveau de la Cour spéciale des terres et autres biens dans un procès l'opposant à une résidente, un procès qui venait de durer environ 14 ans et celle là à l'origine de ces lamentations. Les rapatriés qui ont lu et analysé à fond cette correspondance considèrent que le gouverneur de Rumonge veut remettre en cause le jugement rendu et exécuté sur ce dossier. Par ailleurs, ces rapatriés trouvent que le gouverneur de Rumonge a pris position dans ce dossier déjà clôturé au niveau de la justice en rédigeant cette correspondance sur base des aveux d'une seule partie, alors que la partie adverse lui avait adressé plusieurs correspondances jusque-là sans suite selon ses rapatriés. Ceux qui se sont exprimés sur ce cas voudraient plutôt que l'administration locale à Rumonge appuie la Cour spéciale des terres et autres biens dans la restitution des terres et autres biens aux survivants de la crise de 1972 au Burundi. Léonard Niyonsaba, gouverneur de Rumonge, dit qu'il ne peut en aucun cas s'ingérer dans les affaires judiciaires. Mais le gouverneur de Rumonge dit qu'il a le devoir d'informer ses autorités hiérarchiques sur ce qu'il appelle irrégularité constatée dans sa circonscription administrative. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago, mais un petit rectificatif, ce n'est pas Léonard Ndaïsaba, comme je venais de le dire, c'est Léonard Niyonsaba, gouverneur de Rumonge. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Baisse des prix des denrées alimentaires de première nécessité, tels haricots, grains de maïs et riz, ces jours-ci dans la province Gitega. L'explication fournie par les commerçants est que c'est la période de récolte et les habitants de Gitega qui se réjouissent de cette baisse des prix souhaitent qu'elle se pérennise. Toutefois, certains commerçants pensent que les prix pourraient remonter dans un proche avenir. Gérard Nibigira. Un des commerçants de vivres de la ville de Gitega, connu sous le nom de Mfukame Sabegevala, indique que les prix de certaines denrées alimentaires ont chuté depuis un certain temps. Par exemple, le prix du haricot ordinaire est de 1700 francs le kilo actuellement, contre 3400 francs le kilo d'il y a un certain nombre de jours. Quant au haricot communément appelé kinure, son prix actuel est de 1800 francs le kilo, au moment où son prix antérieur était de 3800 francs le kilo. Parlant du haricot, communément appelé muhoro, son prix d'aujourd'hui est de 2500 francs le kilo, au moment où antérieurement il était de 4200 francs le kilo. Et les grains de maïs, aujourd'hui, ils se vendent à 1500 francs le kilo, alors qu'antérieurement, ils se vendaient à un prix variant de 1800 francs à 2100 francs le kilo. Cela étant, les habitants de Gitega qui n'ont pas voulu s'exprimer via nos micros se réjouissent de cette chute de prix des denrées alimentaires de première nécessité et demande que cette situation situation reste telle qu'elle éternellement. Toutefois, Foukame Sabe Guevala avoue que cette baisse des prix est consécutive à la période des récoltes et pense plutôt que plus tard, les prix pourraient augmenter de nouveau. Il termine en disant que l'afflux des clients des haricots et des grains de maïs a sensiblement diminué ces jours-ci du fait qu'une grande partie de la population de Gitega a récolté haricots et maïs. Quant aux commerçants du riz qui eux aussi se sont réservés le droit de s'exprimer sur nos micros, il laisse entendre que même le prix de ce produit a chuté jusqu'à un certain niveau. Il précise qu'actuellement, un kilo de riz coûte entre 3200 francs et 3500 francs contre 3800 d'il y a quelques jours. Ils expliquent cependant que la semaine dernière, le prix du riz avait chuté jusqu'à se vendre à 2800 francs le kilo avant d'augmenter de nouveau. Les raisons qu'ils avancent, c'est que d'abord, beaucoup de champs de riz n'ont pas encore atteint la maturité et ensuite, les commerçants de Bujumbura, Ngozi, Kayanza et Muramvya viennent s'approvisionner à riz à Gitega. Le riz commercialisé à Gitega provenant essentiellement de la région naturelle de Kumoso. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Certains citoyens ne saluent pas la mesure de certains gouverneurs interdisant le déplacement de la récolte d'une province à une autre sauf autorisation. Ils l'ont soulevé au cours de l'émission Girichushi Kirije de la radio Isanganiro de ce vendredi. Quant à eux, le mieux serait tout au moins d'interdire l'exportation des vivres. Suivez. Je voudrais réagir sur cette mesure, disant que les produits alimentaires ne devraient pas être transportés d'une province à une autre. Quelle est la finalité alors que chez nous, l'on trouve l'abondance des produits alimentaires, notamment les maïs et les maniocs? Où est-ce que nous allons trouver le marché d'écoulement pour notre production malgré cette mesure? À mon avis, je vois que l'échange des produits alimentaires ne cause aucun problème. Par exemple, une telle province peut avoir tels aliments alors que l'autre n'en a pas. L'échange des marchandises entre provinces est une bonne chose, mais les autorités administratives sont appelées à bien évaluer ou suivre son déroulement pour éviter des dérapages. Les commerçants peuvent acheter la production en épargnant et après, lorsqu'un client va acheter, ils disent qu'ils ne vendent pas alors que le stock est disponible. C'est un problème. Donc, ils procèdent ainsi en attendant de spéculer sur les prix après une certaine période. Je voudrais réagir sur cette mesure. C'est que par exemple, chez nous à Moaro, l'on ne cultive pas le riz, non plus le palmier à l'huile. Vous entendez alors l'impact. Le mieux serait de permettre la circulation des marchandises dans tout le pays. Il fallait au moins interdire l'exportation. Les gouverneurs de provinces et administrateurs communaux sont appelés à intervenir pour que les produits alimentaires ne soient pas déplacés d'une province à une autre, à moins que le commerçant détienne l'autorisation du gouverneur. Propos de Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, il a dit ce samedi en province de Kayanza, selon cette autorité administrative, cette mesure vise la lutte contre la spéculation et la fraude de ces produits vivriers. Suivez plutôt Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, dans les traductions de notre correspondant à Kayanza, Patrick Nsengiyumva. Ces derniers jours, on a parlé de la carence des produits alimentaires, c'était vrai. Celui qui veut en avoir doit cultiver. Il doit augmenter la production pour que la baisse des prix puisse se faire remarquer. Aujourd'hui, dans beaucoup de provinces, y compris aussi Kayanza, dans toutes les provinces, les prix des denrées alimentaires ont baissé. Le haricot, le prix a baissé. Le maïs, même. Le riz aussi. D'ailleurs, même les prix des autres produits vivriers baisseront très bientôt. Nous avons remarqué que nous produisons beaucoup, mais pour l'étranger. Il y a nos confrères burundais qui se prennent pour des commerçants alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne sont d'ailleurs pas patriotiques. Ils collectaient la production et la conservaient dans des stocks pour que le prix grimpe toujours ou bien la commercialisaient frauduleusement. Aujourd'hui, des mesures ont été prises. Confrères concert, dénoncer ceux qui stockent notre production. Nous avons dit que les gouverneurs et les administrateurs communaux doivent doubler de la vigilance. Personne n'est d'ailleurs permis de déplacer dans une autre province le haricot, le maïs, le riz et ainsi de suite, sans qu'il ait la permission du gouverneur de la province. Quiconque le fera, arrêtez-le et vérifie qu'il a le document d'autorisation du gouverneur et qui est d'ailleurs à jour. Nous avons mené des enquêtes et nous avons trouvé que dans certaines provinces comme Kirundo, il y avait ceux qui collectaient la production, feignant qu'ils les transportaient à Kayanza ou à Ngozi. Mais après vérification, on avait trouvé qu'ils n'avaient pas de stock. Les produits étaient cachés quelque part ou commercialisés frauduleusement. Ceux-là, ce sont ces gens qui profitent de notre production. Dénoncez-les. Personne n'a le droit, je le répète, de collecter les produits vivriers sans l'autorisation du gouverneur, après avoir indiqué le lieu de collecte de ces produits et l'autorisation du gouverneur de la province de destination de ces produits, en document attestant qu'il est réellement commerçant de ces produits. Martin Niteretse, ministre burundais de l'Intérieur. En bref, trois personnes détentrices de débit de boissons, deux sur la colline Nyakuguma et une autre sur la colline Gachacha en commune province Rumonge ont été définitivement rayées de la liste des vendeurs de boissons Brarodi en province Rumonge depuis ce 3 juin 2023. Léonard Niyonsaba, gouverneur de Rumonge, qui a pris cette décision, accuse ces vendeurs de boissons Brarodi de ne pas respecter les prix officiels malgré plusieurs réunions les rappelant à l'ordre. Il totalise un effectif de 6 personnes rayées de la liste des vendeurs de boissons Brarodi en commune Rumonge et cela en moins d'une semaine après ceux de la colline Wusebga. Et pour terminer ce journal, les autorités administratives, tout comme les différentes institutions, devraient bien collaborer avec les journalistes et leur fournir des informations qu'ils cherchent dans tous les secteurs de la vie du pays. C'est ce qui a été dit ce vendredi à Bouanza lors d'une réunion des journalistes des provinces de l'Ouest organisée par le ministère en charge des médias à l'endroit de ces journalistes. Et certains participants ont soulevé pas mal de problèmes qu'ils rencontrent sur terrain dans leur travail de collecte d'informations. Spes Caritas Kabanyan. Certains journalistes qui ont participé à cette réunion d'échange ont soulevé les problèmes qu'ils rencontrent sur terrain face aux différentes autorités qui refusent de leur donner des informations. Le terrain journalistique est très glissant. C'est très glissant du fait que certains administratifs, à la base surtout, ne comprennent pas le rôle du journaliste. Ils prennent pour ennemi de l'État, pour ennemi de la société, les journalistes. Je crois que le journaliste fait un relais entre le peuple et le gouvernement. Il est intermédiaire. Son rôle est de faire, d'établir une relation, une liaison entre ce que l'État fait et ce que le peuple veut de l'État. Alors, ce n'est pas un ennemi. Il demande au ministère de la Communication une vulgarisation de la loi sur la presse pour faire comprendre à ses autorités qu'un journaliste n'est pas un ennemi. Nous demandons à ce que alors le ministère de la Communication fasse de tous moyens possibles pour réunir les administratifs et les expliquer les traits sensibles de la loi sur la presse burundaise et aussi nous demandons aussi aux administratifs à la base, aussi les administratifs à hauteur de la province, de comprendre l'activité et de laisser libre les journalistes. Aloïse Hazio, directeur des médias au ministère de la Communication, a précisé ne pas comprendre pourquoi certaines autorités refusent de donner des informations aux journalistes alors que tout se fait pour le bien de la population. Cette réunion tenue à Bubanza au cours de cette semaine avait regroupé les journalistes de la région Ouest autour des thèmes de la numérisation et des technologies actuelles ainsi que la loi sur la presse en cours de révision. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.